sais, allez, je suis un salaud. Je ne pourrais t'amener où tu veux qu'on aille. Je dois te laisser, allez, je suis un salaud. On est condamné. Des promesses dans le vent, ça peut plus durer longtemps. L'hiver et le printemps, les années passent à plus 20 ans. Je ne vais pas te dire va-t'en. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, sache quand même qu'en partant, girl, j'ai piétiné, j'ai mis du temps. Et je regrette d'en avoir fait qu'à ma tête. Les promesses d'enfant de poussette, je te promets, j'ai été honnête. Ne laisse pas tomber, ainsi va la vie. Chaque jour j'en paierai la dette. Ainsi soit-il, adieu, promesse. Allez, je suis un salaud. Je ne pourrais t'amener où tu veux qu'on aille. Je dois te laisser, allez, je suis un salaud. On est condamnés.